Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. C'est aujourd'hui la Saint-Valentin et nous souhaitons une bonne fête à tous les amoureux. Franck Ferrand ne risque pas d'oublier la date puisqu'il nous propose ce soir un grand gala unique pour la Saint-Valentin justement sur la scène du Casino de Paris. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Pour des raisons qui sont liées à la subtilité des moyens modernes de réservation, des fauteuils, de bons fauteuils je précise, sont libérés ce soir au Casino de Paris. Alors si vous voulez nous rejoindre ou si vous pensez faire plaisir à votre amoureuse ou à votre amoureux en lui offrant une place, eh bien il n'est pas trop tard. Et ça, c'est un cadeau très original de Saint-Valentin. C'est d'un couple très amoureux que vous allez d'ailleurs nous parler cet après-midi. Oui, le couple que formait le grand pianiste et compositeur Robert Schumann et son épouse Clara. Difficile de trouver plus belle romance un 14 février. Et quoique, nous allons voir que les choses ne sont pas aussi simples qu'elles pourraient le paraître. Pour nous accompagner dans cette intimité, nous avons invité un grand monsieur qui passe sa vie en musique, Michel Schneider, qui notamment a préfacé les lettres d'amour de Robert et Clara. Pas de doute, nous sommes bien dans le ton. Tout commence en 1819, en Saxe, donc en Allemagne plus précisément, à Leipzig, cette ville tellement riche sur un plan artistique, ville qui a abrité les grands penseurs, les grands esprits du XVIIIe siècle. Leipzig, c'est la ville de Bach, après tout, et on peut dire c'est devenu à l'époque une sorte de capitale musicale de l'Europe. C'est là que naît Clara, petite fille aux cheveux très blonds, aux immenses yeux bleu-vert qui lui dévorent littéralement le visage. Sa mère est une chanteuse, remarquable chanteuse. Quant à son père, il est l'un des plus talentueux professeurs de piano d'Allemagne. C'est le grand Ferdinand Wieck. Seulement, les parents Wieck vont divorcer et le père s'octroie de force, plus ou moins, la garde de sa fille. Et pour la petite Clara, cette séparation de ses parents, la difficulté de tout ça, a été un traumatisme tel que l'enfant s'interrompt, elle s'arrête de parler. Jusqu'à l'âge de 8 ans, elle sera quasiment muette. Elle va trouver un autre langage, vous me direz. Elle se réfugie, elle, dans le piano. Bien avant de savoir lire, écrire ou donc parler, elle joue de manière brillante, elle va même composer. Ce sera sa langue à elle, la musique. D'ailleurs, elle est si douée, Clara, que rapidement son père, le professeur Ferdinand, commence à la faire se produire en concert. Très vite, toute la région l'admire. L'Allemagne va bientôt connaître le talent de cet enfant prodige. Quelques années plus tard, elle ira même se former, se produire à Paris avec le soutien du grand Paganini. Elle fera la connaissance de Chopin, de Liszt, de Mendelssohn, etc. En 1828, Clara n'a donc pour l'instant que 8 ans et demi. Or, cette année-là, à Leipzig, s'installe un jeune homme aux longs cheveux blonds, au regard doux et rêveur, un certain Robert Schumann. Il a 18 ans, il est venu là pour faire son droit. Sa mère a tout à fait l'intention de voir son fils devenir juriste. Or, ce garçon mélancolique, tourmenté, s'ennuie, disons-le, sur les bancs de la faculté. Lui, ce qu'il aime, c'est la poésie et c'est la musique. Depuis son plus jeune âge, il compose, il joue du piano. Est-ce qu'il doit abandonner le droit pour devenir artiste? Pour tout vous dire, ça n'est pas un choix facile pour lui. Il est littéralement tiraillé. Me voici entre deux chemins et je suis épouvanté par la question « Quelle vie choisir ?» écrit-il à sa mère. « Suivre mon génie, c'est aller vers l'art et c'est là, je crois, le bon chemin. » Finalement, il va faire fi des désirs de sa mère. Schumann décide de suivre son cœur. C'est décidé, Robert sera musicien. Il se trouve un prof de piano. Et vous me voyez venir avec mes gros sabots saxons. Et évidemment, le prof sera Ferdinand Wieck. Voici le père de Clara. Voici donc notre jeune Schumann installé chez les Wieck, où il est logé dans une toute petite chambre, relativement confortable néanmoins. Le professeur est un maître intransigeant, c'est un bon pédagogue à côté de cela. Robert travaille, il étudie inlassablement les maîtres, et évidemment Bach, toujours bar. Il vénère par-dessus tout Jean-Sébastien Bach, il compose également, il va composer des lieder, des polonaises. Dans la maison, Robert n'est pas le seul à composer. Vous avez compris ce que... Ben voilà, la petite Clara n'est pas loin. Elle a 11 ans, mais elle est déjà en train de publier ses premières œuvres. Figurez-vous notamment des polonaises. Robert Schumann est immédiatement envoûté par cette petite pianiste incroyable de 9 ans, sa cadette, et qui déjà fait donc des tournées brillantes à travers l'Europe et qui fréquente Paganini, etc. Elle est un être extraordinaire, écrit-il. Elle parle de nous tous de la façon la plus spirituelle. À peine 3 pieds de haut, et son cœur tellement formé, sa mémoire m'émerveille. Un petit ange est descendu du ciel, mais dites-moi. Et voilà, ça commence, les années passent. Robert et Clara s'attachent de plus en plus l'un à l'autre. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, ça c'est le ciment des grandes amours, vous savez, c'est l'admiration. Ils s'admirent mutuellement, ces deux-là. Lorsque Clara atteint sa majorité, cette amitié s'est transformée depuis quelque temps en amour. En 38, Clara a 19 ans, Robert Schumann déclare pour la première fois sa flamme à Clara. Il lui compose et dédie plusieurs pièces pour piano. « Vois, c'est une telle force que tu m'as donnée, ma Clara. Une jeune fille aussi héroïque peut bien faire de celui qu'elle aime un petit héros. » Et elle répond avec ferveur parce qu'elle l'aime, elle aussi. « Je pense à notre avenir que je présage si heureux, lui écrit-elle cette année-là. De plus en plus, je sens que ma vie t'appartient. Tout m'est indifférent sauf mon art. Mon art, c'est toi. Tu es ma joie, ma vie, mon bonheur, tout. J'entends la voix de mon cœur dans le jardin qui m'arrache à mon joli rêve. » En fait, la voix, c'est la voix de son père qui va l'arracher à son rêve. Parce que Vic, lui, n'est pas du tout d'accord. Il n'a pas l'intention que sa fille, son enfant prodige, aille épouser ce misérable pianiste et compositeur qui, malgré tout le talent qu'il peut montrer, est loin de connaître le moindre succès. C'est vrai que le professeur Vic apprécie son élève, mais sa fille doit épouser un homme à sa hauteur. Il faut vous dire qu'à l'époque, Clara est infiniment plus célèbre que Robert Schumann, mais on ne peut même pas comparer. Elle fréquente déjà la haute société viennoise, parisienne même. Vic décide de séparer ses amoureux afin qu'ils ne puissent plus ni se voir ni communiquer. Il envoie Clara à Dresde avec une surveillance assez implacable et il interdit à Robert de lui écrire. Pour ne pas que les amoureux puissent se voir, le vieux professeur de piano envoie en permanence sa fille en tournée. Il lui fait un véritable bourrage de crâne. « Ce compositeur, ce petit misérable, n'est pas un homme pour toi, lui dit-il. Il ne pourra jamais te rendre heureuse. » Cependant, vous imaginez bien que c'est pas comme ça qu'on sépare des amoureux. Robert n'a pas l'intention de se laisser faire. Il va tout faire pour récupérer Clara. Il ne peut pas la voir ni lui écrire. Eh bien, c'est par la musique qu'il va lui prouver tout son amour. Il lui chante son amour dans ses plus belles compositions. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous racontez l'histoire d'amour entre deux grands génies de la musique, Clara et Robert Schumann. Nous sommes donc dans les années 1830. On connaît bien l'œuvre de Robert Schumann, mais est-ce qu'il était aussi bon interprète que compositeur ? Alors, vous mettez le doigt, si j'ose dire, sur le problème, là, exactement le problème, Anissa, puisque Schumann rêve de devenir un grand virtuose. Seulement très vite, il s'aperçoit qu'il ne pourra pas, dès ses premières années d'apprentissage avec le professeur Vic, donc, il ressent dans le bras des douleurs infinies, dit-il, une tendinite, hein, probablement. Sauf qu'à partir de 1830, il est carrément paralysé de la main droite. Hein, il ne peut même plus utiliser son index droit pour jouer. Alors, est-ce que c'est parce qu'il s'est trop entraîné, avec trop d'acharnement ? On dit que pour accélérer son apprentissage de la technique, il a inventé tout un système mécanique avec des poulies, des cordes qu'il attache à ses doigts pour dépasser les limites de son corps, rendre plus efficace, si vous voulez, ses mains. Alors, peut-être que ça s'est retourné contre lui, à moins qu'il n'ait subi les effets d'une maladie vénérienne, une dystonie. Difficile de savoir. Toujours est-il que Robert doit rapidement mettre de côté ses ambitions d'interprète. Il faut vous dire qu'il n'a pas un regret infini parce que son véritable talent, vous l'aurez compris, et son génie à lui, c'est la composition. Dans une grande partie de ses œuvres, transperce d'ailleurs cet amour pour Clara. C'est ce que je vous disais à l'instant. Les deux amants sont séparés, mais Robert parvient à correspondre avec Clara grâce à l'intermédiaire d'un ami, un certain Becker, qui est secrétaire des finances à Dresde et qui remet à Clara des billets enflammés d'Ein Doppelganger, ton double, littéralement, hein, ton ombre, pourrait-on dire. Seulement voilà, le père de la jeune fille, Vic, n'est pas prêt à se laisser leurrer par ce genre de stratagème. Pour semer la discorde entre Robert et Clara, il s'emploie à faire subir à Robert toutes sortes d'humiliations. Il lui fait croire que sa fille a des liaisons, etc. Il le met à l'épreuve, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Schumann marche. Il est désespéré. Il écrit à Clara « Cet état ne pourra pas durer longtemps. Je ne résisterai pas. Je n'ai pas une nature à le supporter. Je suis atteint au plus profond de moi-même. » Et dans une autre lettre, « Si tu m'abandonnes, c'en est fini de moi. » Les deux amants sont là au bord de la séparation, vous l'aurez compris, et pendant un an, ils ne se parlent même plus. Par dépit, Schumann se met à fréquenter une autre jeune fille qui s'appelle Christelle. Il a l'intention très sincère d'oublier Clara. Mais au mois d'août, la jeune pianiste donne un concert au Gewandhaus de Leipzig et Schumann est là, dans la salle. Il guette de la part de celle qu'il aime ou qu'il pense avoir aimé le moindre signe. Son cœur tressaille soudain lorsque Clara se met à jouer ses études symphoniques. Oui, elle interprète ses compositions à lui. Est-ce que ça veut dire qu'elle l'aime encore? Aussitôt, il lui écrit « Écrivez-moi un simple oui, j'ai besoin de cette sécurité ». Et la réponse ne tarde pas. « Du plus profond de mon cœur, écrit Clara, je vous murmure oui de toute mon âme et pour l'éternité. » Oh ben écoutez, on a tous la larme ça, à l'œil. Hein. Schumann est fou de joie, il va composer ses fameuses danses des compagnons de David. Et c'est cette année-là, on est en 1839, qu'il demande à s'entretenir avec celui qui a été son professeur, qui est maintenant le père de sa promise, avec Vic. Il sent qu'il va pouvoir le convaincre de lui donner la main de sa fille. De nouveau, le vieux professeur se cabre, hein. Il refuse catégoriquement. Il s'emploie à détruire la confiance de son ancien élève. « Vous n'aurez jamais une situation professionnelle digne de ma fille, lui dit-il. » Schumann, de nouveau, est désespéré. Il compose furieusement dans une sorte d'ivresse créatrice. Pour oublier la souffrance, il compose en pensant à Clara. Et de cette détresse va naître la fantaisie opus 17. « Un long cri d'amour vers toi », écrit-il à Clara. Il chante tout son amour dans sa musique, notamment à travers le thème de Beethoven « Ma bien-aimée lointaine », vous savez, qu'il va reprendre, qu'il va sophistiquer, travailler. Schumann assume pleinement cette espèce d'amour, comment on pourrait dire, une humeur duale, si vous voulez. La pièce pour piano est traversée par une sorte de schizophrénie, comme une grande partie de l'œuvre de Schumann d'ailleurs, hein, qui inventera même deux personnages fictifs, Florestan, le passionné, le combatif, et puis Eusebius, le rêveur tourmenté, désespéré, et les deux, Florestan et Eusebius, reviennent constamment dans ses compositions. La musique devient pour les amants, vous l'aurez compris, le seul vrai moyen de communiquer à distance. C'est une sorte de langage, j'allais dire codé, c'est même pas codé, c'est un langage intuitif. Entre eux, Clara compose une mazurka. Robert en reprend le thème, il le modifie légèrement, il l'arrange, c'est un écho à ce qu'elle peut faire, si vous voulez. Lorsque Schumann rentre à Leipzig, il retente sa chance auprès de Vic. Voilà un garçon très, vraiment très obstiné. Et il essuie, j'allais dire évidemment, un troisième refus. À ce moment-là, il décide d'employer les grands moyens. Clara et lui s'en remettent aux tribunaux. Ils engagent un procès contre Vic. Les audiences sont fixées aux 26 et 27 septembre 1839. C'est un témoin qui raconte. Vic, qui ne se rend qu'à la deuxième audience, s'y laisse aller à de telles invectives que le juge lui retire la parole. Sentant que les deux révoltés vont avoir gain de cause, l'inflexible vieillard tente de porter à son ancien élève un coup mortel. Il l'accuse d'ivrognerie habituelle. Tous les ennemis de Schumann, Mendelssohn en tête, protestent avec indignation. Vraiment, il n'aura reculé devant rien, ce Vic. Le 4 juin 1840, le tribunal rend sa décision. Vic est débouté, vous y attendiez. Clara et Robert ont l'autorisation de s'épouser. Dans un dernier accès de rage, le vieux Vic rédige un communiqué infamant sur son gendre. Un communiqué qu'il distribue à toutes les connaissances du père et de la fille. Dans les villes où Clara se produit, elle trouve désormais des mots injurieux de son père contre son amant. Le 12 septembre 1840, Robert n'en épouse pas moins Clara dans une petite église près de Leipzig. L'histoire devrait s'arrêter sur cette fin heureuse, comme dans les jolis contes. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Vous allez voir que la réalité est un peu différente néanmoins. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors nous sommes au cœur de cette histoire d'amour, Franck, entre Clara et Robert Schumann. Ça y est, après plusieurs mois et plusieurs années, ils ont enfin réussi à se marier. L'histoire devrait s'arrêter là. Mais pas du tout. Ben oui, vous savez, les fiançailles, c'est très beau. Mmh. Le mariage, parfois, ça l'est moins. Et c'est vrai que Robert a beaucoup changé avec le temps. Il accepte de moins en moins l'idée que sa femme soit cette virtuose à la renommée immense, alors que lui travaille dans l'ombre. Il est compositeur. Il ne veut pas être le mari de la pianiste, si vous voulez. Et plus ou moins consciemment, il va étouffer les ambitions de Clara, qui trouve moins de contrats, qui va se produire de moins en moins, qui enchaîne grossesse sur grossesse aussi. Et néanmoins, elle continue de vénérer son mari. Personne parmi les vivants n'est doué comme tu l'es, dit-elle. En même temps que mon amour augmente aussi mon admiration, c'est quand même assez extraordinaire, c'est le moment où il compose sa première symphonie en 1841, seulement cette année-là, elle écrit dans son journal « Mon piano a été encore une fois relégué au second plan, comme il arrive chaque fois que Robert compose, pourvu que je ne sois pas trop en régression. » Elle se pose des questions, évidemment, et elle s'inquiète, et surtout, Clara est de plus en plus désemparée devant les variations, les sautes d'humeur de son mari. Robert peut sombrer en effet dans une sorte de désespoir. Il n'y a pas que les personnages de Florestan et de Zébius. Lui-même est victime de haut et de bas, si vous voulez. À partir de 1854, il a carrément des hallucinations auditives et une nuit, il croit entendre des anges qui lui dictent une sublime musique. Alors il se lève, il note le thème, seulement le lendemain matin, si vous regardez les notes délicieuses en question, elles sont devenues une mélodie tout à fait ordinaire et même plutôt médiocre. Les anges sont devenus démons car la musique en question est même carrément affreuse et Schumann hurle de douleur. Les démons lui disent qu'il est coupable, qu'il est criminel. Il se met à supplier Clara de le quitter avant qu'il n'en vienne à lui faire du mal. Et pourtant, les hallucinations vont pendant un temps disparaître. Schumann écrit « La musique se tait à présent tout au moins extérieurement », mais il ajoute « Je dois maintenant conclure, il commence à faire sombre ». Dans la nuit du 26 février, Robert sort de chez lui en robe de chambre, en pantoufles. Il laisse une note à Clara « Chère Clara, je jetterai mon alliance dans le Rhin. Fais de même avec la tienne, ainsi nos deux anneaux seront réunis ». Et puis, il traverse la ville sous la pluie battante et il va se jeter dans le fleuve. Ce sont des pêcheurs qui le repêchent et qui le ramènent chez lui. Et quelques jours plus tard, on va être obligé de l'interner à Bonn. Peu à peu, on le voit perdre la mémoire, ses souvenirs s'effacent. Il ne se souviendra même plus un jour des prénoms de ses enfants, vous imaginez ça. Et il arrive qu'on soit obligé de l'attacher à son lit tellement il est agité. Quelque temps avant de mourir, il y a eu une embellie. Schumann s'est apaisé, il a quelques accès de lucidité. Voilà ce qu'il écrit. « Je pense aux poésies que tu m'as inspirées, chère Clara, et un jour du mois d'août où, le jour suivant, je t'envoyais par Becker ma bague de fiançailles. Te rappelles-tu qu'à Blaskerburg, je te fis tenir, pour ton jour de naissance, ma bague de diamant dans une branche de fleurs, et que tu perdis à Düsseldorf un des diamants que quelqu'un retrouva. Ce sont là des souvenirs bénis. » Il rendra son souffle et son âme quelques jours plus tard. Bonjour Michel Schneider. Ce ne sont pas des amours très riantes que celles de Clara et Robert Schumann. Amours empêchés, puis amours terribles. Vous savez bien d'expérience, comme nous tous, que rien ne renforce un amour comme les obstacles qui sont sur sa route, que ce soit la société, la famille, un mariage en cours. Et c'est ce qui se passe avec, je dirais, Frédéric Wieck, le père qui ne voulait pas être le beau-père de Schumann, a finalement rendu un grand service à Schumann. En faisant que sa fille s'accroche à ce point, à cet homme qui avait quand même tout pour déplaire. Enfin, il ne faut pas évidemment juger avec les critères de notre époque, mais un garçon de 18 ans qui entre dans une famille et qui s'éprend, parce que c'était quand même bien le mot. Bien, oui, une petite fille. Hein. Une petite fille de 8 ans, 9 ans. Oui. Bon, aujourd'hui, on appellerait ça de la pédophilie et on serait très inquiet sur la légitimité de ce lien naissant. Parce que mais c'est un lien réciproque, car elle va s'éprendre aussi de ce jeune... Mais alors, ce lien, il est fait de quoi? Parce qu'elle a un père, elle a plus qu'un père, elle a un père à la puissance N. Ce R professeur, mais là, il est effroyable. Elle n'a pas de mère, et au fond, Schumann, avec son côté féminin, son côté enveloppant, son côté généreux, va lui assurer jamais l'enveloppe, je dirais, l'enveloppe maternelle dont elle a besoin, dont elle a souffert le manque, puisque sa mère l'a abandonnée et que ça a eu pour effet de la plonger dans une espèce d'autisme profond jusqu'à ce qu'elle trouve son chemin dans la musique. On aurait pu imaginer que ça reste une sorte d'amour de tête, comme on dit, comme ça peut arriver entre un pensionnaire et la jeune fille de la maison. Or, vous nous dites que c'est l'extrême volonté, c'est la férule d'acier de ce professeur qui va donner naissance en fait au grand amour, qui va l'attiser, qui va faire grandir les flammes. Bien sûr. Alors autant on peut comprendre que au début le père se soit inquiété de cette liaison possible, autant quand Clara a eu 18 ans qu'elle avait le souhait très très très explicite de se marier avec Robert, autant les poursuivre ensuite jusqu'au mariage, jusqu'au juge, et après il a mené une campagne contre, pas seulement contre Robert, mais contre sa fille. Quand elle allait jouer dans une ville, il envoyait des libelles, des lettres aux organisateurs de concerts en disant « ma fille est une ceci ». Il calomniait sa propre fille. Mais est-ce qu'on peut parler d'une forme de folie chez cet homme? Il y avait au moins quelque chose d'assez incestueux de son côté à lui, dans cette espèce de, c'est même pas de protection, parce que c'était sa liberté de jeune fille majeure, de jeune femme majeure, de choisir son destin et de se marier avec qui elle voulait. Et on peut se demander si cette jeune fille ne va pas finir par échapper à un père trop possessif pour tomber dans les bras d'un autre, somme toute. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire d'amour entre Clara et Robert Schumann cet après-midi en ce jour de Saint-Valentin, en ce 14 février. Et nous allons plus loin. Pour apprendre à mieux connaître Clara et Robert Schumann, vous avez invité Franck Ferrand, Michel Schneider. Il est écrivain, musicologue, psychanalyste et il a préfacé « Lettre d'amour, Robert et Clara Schumann », un livre paru chez Buchet-Chastel. Et vous avez consacré deux autres ouvrages à Schumann. Schumann, les voix intérieures dans la collection Découverte Gallimard, ça c'était dans les années en 2005. Et puis, il y a nettement plus longtemps, le fameux ouvrage paru au Seuil, La tombée du jour. C'est par La tombée du jour que vous vous êtes approché de Schumann, non, si je puis dire. Je suis tombé dans Schumann bien avant. Je suis tombé dans Schumann en entendant mon père, qui était un très grand pianiste amateur, mais très bon pianiste, jouer ce que je ne savais pas être du Schumann à l'époque, parce qu'il est mort quand j'avais 4 ans. Mais je garde quand même certainement une empreinte sonore, comme ça. Je me cachais sous le piano et j'entendais ce père jouer les pièces de Schumann. Et ensuite, très très tard, ma mère m'a dit, mais tu ne peux pas savoir ce que ça nous rendait folle d'entendre ce Schumann toute la journée, cette musique un peu dérangée quand même. Oui, par complexe, certains, oui. Un complexe. Il y a des moments où on se dit, mais la folie n'est pas loin, hein, sous les notes, dans ces emportements comme ça de maniaque, puis dépressif. Bon. Et elle, dans une lettre qu'elle a écrite à mon oncle, elle disait « Mais j'en ai assez de l'entendre jouer à Schumann toute la journée. » Alors moi, j'en ai peut-être eu assez, mais quand moi-même je me suis mis à faire du piano, au fond, j'ai écrit ce livre « La tombée du jour » pour répondre non pas à une question psychanalytique, qu'est-ce que c'était que la folie de Schumann, ou une question musicologique, mais tout simplement, comment est-ce qu'on peut rendre ces humeurs aussi changeantes, aussi violentes, aussi contrastées, aussi désespérées, et puis tout d'un coup d'une joie immense. Et j'ai écrit ce livre, au fond, à partir du piano, dans mon expérience de très mauvais pianiste, non pas que difficultés techniques, ça j'en avais tenté plus. Et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Une pièce comme la Toccata n'est pas accessible avant 25 ans de piano et encore beaucoup de dons rythmiques. Mais des difficultés d'interprétation. Qu'est-ce que c'est que ce que Schumann appelle humor, l'humeur. L'humeur qui est, en allemand, ce même mot qui sert à dire humour et humeur. Et les deux humeurs, l'humeur dépressive et l'humeur que de la mélancolie, et l'humeur joyeuse de l'élation heureuse. Donc je suis parti de là. Et le plus curieux, c'est que moi, très, très médiocre pianiste, j'ai eu ensuite beaucoup de musiciens professionnels, des grands pianistes, des grands schumanniens, qui m'ont dit, mais votre livre m'a éclairé sur des aspects de l'œuvre de Schumann, sur des pièces sur lesquelles je me penche, pour nous donner une espèce d'éclairage latéral auquel on n'a pas été formé dans les conservatoires. C'est-à-dire qu'il faut que l'interprète, lorsqu'il est au clavier, évolue en même temps que les humeurs du compositeur, d'une certaine manière. Il faut qu'il sache retrouver ce que Schumann appelle « innere Stimme », la voix intérieure. La voix intérieure, cette voix intérieure qui est celle de l'inconscient aussi, qui est celle de nos pensées les plus fortes et les plus irrécusables, qui nous envahissent dans des moments soit de dépression, soit au contraire de jouissance de la vie. Et il faut laisser cette voix qui est à la fois lointaine, enfouie en nous, s'exprimer. Et sous ces deux modalités de l'humeur. Vous avez employé le terme tout à l'heure, je le reprends donc au vol. Peut-on dire de Schumann qu'il était maniaco-dépressif? Est-ce qu'il en présente les symptômes au regard de ce que nous savons, nous? Aujourd'hui, oui. On dirait bipolaire. C'est clair. Les psychiatres qui ont étudié à distance son dossier psychiatrique qui remontait à avant l'internement. Parce que très souvent, on donne l'impression que Schumann était un grand musicien parfaitement sain d'esprit, et puis que tout d'un coup, il tombe fou et se jette dans le Rhin pour mourir 2 ans après à l'asile. Non, il y a dès sa jeunesse des accès de schizophrénie ou de maniaco-dépressive, et puis c'est entrecoupé de périodes d'équilibre, et la folie est en lui dès le début, et la création est en lui aussi dès le début. Et c'est cette alternance, moi, qui me fascine. C'est cette alternance, c'est pas la folie en tant que telle, bien que moi j'ai plus de sympathie et d'intérêt pour les artistes qui ont été plus ou moins dérangés. J'ai fait un livre sur Glenn Gould, un autre sur Marilyn Monroe. C'est pas pour rien, c'était quand même tous les deux des gens très atteints, mais en même temps d'immenses artistes. Et ce qui m'intéresse, c'est pas la folie en tant que telle, mais la lutte contre la folie, cette lutte constante pour créer, comme dit Schumann. Et ce dialogue intime, cette voix intérieure, comme vous disiez, qui permet à Schumann de dialoguer avec ses propres difficultés, avec son propre problème. Sûr. Et alors, cette voix intérieure, quand il rencontre Clara, au fond, il lui donne une teneur, c'est le féminin en lui qui va se... Vous pensez qu'elle incarne sa part féminine, en fait mais oui. Il dit, voilà, il y a énormément de pièces où on retrouve un motif généralement en la mineur, par exemple. En allemand, les lettres désignent les notes. Et le A, qui est la première lettre, c'est le la, c'est le A. Et il y a des motifs comme ça qui mettent le nom de Clara avec cette descente vers le bas, comme une espèce de déclinaison dépressive au cœur, comme si sa voix intérieure, c'était Clara réincarnée en lui. Et d'ailleurs, très souvent, il réécrit des pièces que Clara... Voilà, nous allons y venir. Il y a 3 niveaux de communication, si je puis dire, entre eux, et qui vont nourrir cet amour impossible, car c'est un amour interdit par le père, par le professeur Wieck, par le père de Clara. D'abord, une communication immédiate. Nous avons compris ce qui avait pu fasciner une petite fille pour ce jeune homme qui lui a, en quelque sorte, si l'on peut dire, servi... Enfin, ce jeune homme, qui pour elle était un homme, qui lui a servi d'une certaine manière de mère de substitution. Que Robert trouve-t-il, lui, en Clara? Pourquoi s'attache-t-il à cet enfant? Parce qu'elle est une virtuose, quand même, nous l'oublions pas. Il y a une lettre très, très curieuse. La première lettre que Robert envoie à Clara, c'est en 1832, donc 8 ans avant leur mariage, et il lui dit « Alors, chère Clara, je pense souvent à vous. Pas comme un frère à une sœur, ni comme un ami à une amie, il ne dit pas ni comme un amant à une femme, mais comme un pèlerin à la Madone. » Alors lui aussi, il a dans la tête un fantasme de mère qu'il faut, je ne sais pas, réparer, protéger, soigner. On pourrait dire que d'emblée, c'était mal parti quand même. C'était mal parti parce que... et ensuite, tout le reste de leur vie, elle a été, je veux dire... Plus que sa mère, elle a été la mère des 8 enfants qu'ils ont fait ensemble, ce qui n'est quand même pas... Parce que la pauvre, elle se grossesse sur grossesse. Grossesse sur grossesse, une centaine de concerts par an de par toute l'Europe. Et c'est elle qui faisait tourner la baraque, comme on dit. Et matériellement, économiquement, lui, il ne gagnait rien avec ses concerts. Quand il a eu des postes permanents comme chef d'orchestre à Düsseldorf, il était tellement mauvais, tellement ralenti, tellement en proie à ces moments dépressifs qu'il arrivait en retard, il ne savait pas diriger les musiciens, qu'il se faisait à chaque fois virer. Donc C'est elle qui avait l'assise matérielle de ce couple. Ce qui est d'ailleurs extraordinairement moderne, parce que quand on regarde leur histoire, c'est une histoire à la fois très d'époque, c'est-à-dire que... Voilà, ah, c'est très romantique, on est dans l'Allemagne de l'époque. On se rencontre tout jeune, on ne se quitte jamais, on ne se trompe pas de toute une vie, mais sur le plan de l'égalité... Comme vous disiez, Clara, c'est pas n'importe qui. C'est la plus grande pianiste de son temps. Et bien sûr, mais on va y venir tout à l'heure. On va revenir sur l'œuvre, si je puis dire, de Clara Schumann. Qui elle était, elle? Avant cela, les deux autres niveaux de communication, les lettres, vous venez de le dire, qui vont se montrer d'autant plus nombreuses qu'ils sont séparés physiquement, sont de belles lettres qui méritaient publication. Ah, mais là aussi, il y a une sorte de complémentarité. Clara ne manie pas bien le langage, et pour les raisons qu'on a déjà évoquées. Lui, c'est un homme de langage. Avant tout, son père était libraire, il a baigné dans le romantisme littéraire, lu les grands auteurs, lu Shakespeare, et toute la littérature européenne, et il rêvait d'être poète, il rêvait pas d'être musicien au départ. Donc, cette part de la littérature dans leur amour est très, très, très, très importante pour comprendre que lui détenait un langage auquel elle n'avait pas accès et probablement que symétriquement, elle détenait un langage qui est le piano. Alors voilà, ça c'est le troisième niveau, c'est leur vrai langage, si je puis dire. Ils se parlent par œuvre interposée et ils se répondent et il y a des échos d'une œuvre à l'autre. C'est extraordinaire, ça pour le coup, c'est unique cette histoire. C'est unique. Enfin, il y a d'autres cas, comme par exemple Mendelssohn et sa sœur Fanny, oui. Où lui, il a carrément pillé l'œuvre de sa sœur pour en faire des compositions. C'était pas très joli, de sa part, de faire ce... Parce que les femmes à l'époque, les femmes compositeurs à l'époque, c'était littéralement, si ce n'est impensable, du moins... Rarissime. Et Clara n'est pas un très grand compositeur, il ne faut pas non plus... Mais quand on entend ses œuvres, elles ont été enregistrées pour nombre d'entre elles, c'est de la bonne facture, c'est de la bonne musique, ça ressemble un peu à du Schumann, mais comme d'autres musiques de Poe, comme certaines pages de Chopin peuvent ressembler à du Schumann, mais ce n'est pas un compositeur de premier plan. Alors Schumann, d'abord, a repris un certain nombre de thèmes de Clara pour faire des variations dessus, avec évidemment la richesse de son langage musical qui était incomparable avec celle de Clara. Et puis ensuite, l'un et l'autre, on a fait un triangle, une espèce de triangle amoureux musical avec Johannes Brahms, qui est intervenu dans la fin de la vie de Schumann, en 1854, qui avait 20 ans à l'époque, qui était un génie à la fois pianistique et de composition. Et les pièces de Schumann réécrites d'après Clara ont été reprises par Brahms dans d'autres variations. Donc chacun, vous savez, à l'époque, on faisait des variations sur les thèmes de l'autre. Les uns et les autres, bien sûr. Et ça devenait une autre œuvre. Hein. Et on ne peut pas accuser Schumann d'avoir exploité l'œuvre de Clara. Mais il faut, et vous avez raison, redonner à Clara sa place dans l'histoire de la musique. C'était un rapport très égalitaire. C'est ce que nous allons faire dans un instant. Nous revenons sur Clara Schumann dans un instant. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire d'amour de Clara et Robert Schumann cet après-midi. Une histoire d'amour compliquée, un amour impossible. On en parle avec votre invité, Franck. Vous recevez l'écrivain, musicologue et psychanalyste Michel Schneider. Alors Michel Schneider, venons-en à Clara elle-même. Parce que jusqu'ici, malgré nous, nous avons vu les choses essentiellement du point de vue de Robert Schumann. Clara Wieck était une artiste accomplie au moment... Alors, accomplie. En tout cas, une artiste prodige au moment même où Schumann arrive chez son père comme élève. Bien sûr. Elle était, avec Liszt et puis d'autres virtuoses, la vedette du piano européen. Il faut dire que ce qu'on a peut-être tendance à oublier, qu'il faut en tout cas rappeler pour l'ensemble des auditeurs, c'est que le concert de piano à l'époque romantique, c'est l'équivalent du concert de rock d'aujourd'hui. C'est le grand événement qui remue une ville, littéralement. Et comme il n'y avait pas d'enregistrement des symphonies, des symphonies, pour faire connaître une symphonie de Beethoven, eh bien c'était un pianiste ou deux pianistes. Parce qu'il était rare de réunir toute une formation symphonique. Voilà, de déplacer en tout cas. Alors dans les salons, on jouait les symphonies de Beethoven au clavier et dans les concerts aussi, on jouait des réductions. Donc Clara avait en charge tout le répertoire de Bach, enfin Beethoven, on ne jouait pas beaucoup Bach à l'époque. C'est grâce à Schumann qu'on est revenu un peu à Bach et aux fugues et aux contrepoints. Mais elle jouait Beethoven, Mozart, et elle jouait aussi, elle tenait à cœur de jouer à chaque fois une composition de Schumann. qui qu'elle a fait connaître de Liszt, de toute la scène musicale, de Wagner, qui se sont tous inclinés devant le talent pianistique de Clara et le génie compositionnel de Robert. Et pour son père, ça devait être une fierté immense. On pense à Léopold Mozart avec son fils et sa fille. C'est un peu la même histoire, si je puis dire. Elle devient une célébrité, cette petite Clara Wieck. Oui, alors vous disiez tout à l'heure que le père l'a envoyé faire des tournées pour, au fond, la séparer de Robert. Il l'a envoyé aussi pour faire des tournées pour avoir rapporter un petit peu d'argent. Et de notoriété, et de notoriété, ouais. De gloire, grand professeur qu'il était. Voilà, oui. Et il y a toujours... Elle était la démonstration qu'il était un excellent professeur. Voilà, tout, hein. C'était un peu sa vitrine aussi internationale. Bon, donc dans l'amour de Robert et Clara, il y a cette espèce de mélange d'intérêts passionnés l'un pour l'autre dans le domaine de la spiritualité et de la musique. Et puis, il y a aussi une alliance matérielle pour faire vivre une famille avec 8 enfants en bas âge qui demandait... il fallait que Clara soit une femme extraordinairement forte pour, à l'époque, avec la misogynie ambiante, qui était peut-être un peu moindre qu'aujourd'hui, mais dans les milieux artistiques, pour faire la carrière qu'elle a faite, tout en défendant, en sacrifiant pas l'estime et l'admiration Alors, qu'elle avait pour son mari. Elle est très amoureuse de Robert. Cet amour est attisé par l'impossibilité, par l'interdiction paternelle, on l'a compris. Cet amour va croître. Il y a toute une cristallisation stendhalienne autour de leurs lettres, etc. Et puis, elle finit par enfin pouvoir épouser celui qu'elle aime. Et là, elle se rend compte qu'en fait, ça se fait quand même en grande partie au détriment de son rayonnement personnel. Oui, et puis elle se rend compte... Elle devient une mère de famille, en fait. Elle devient une mère de famille. Lui, il l'enferme un petit peu dans ce rôle aussi. Et elle se rend compte aussi qu'il a des sautes d'humeur, des troubles visiblement relevant de la folie. Et ça lui fait peur, ça l'effraie de voir cet homme qui est le père de ses enfants. On a l'impression qu'elle fait tout, cette Clara Schumann. Elle s'assure du bien-être de son mari. Elle continue à faire des concerts. Elle assume elle des grossesses. Elle élève les enfants. Elle est son agent, son interprète. Elle fait tout. Sa mère, la mère de ses enfants, son médecin. Elle a un courage et une résistance extraordinaire. Extraordinaire. C'était une femme extraordinaire au sens propre. Comment se fait-il qu'on l'ait un peu oubliée aujourd'hui? On ne parle quasiment d'elle toujours qu'à travers le grand compositeur dont elle a été l'époux. Il faut s'employer à la réhabiliter parce qu'elle n'est pas que l'ombre de son mari. Mais la force de caractère qu'il fallait pour accomplir cela. Alors évidemment, à la fin de sa vie, quand Schumann est devenu... Schumann est mort à 46 ans. C'est quand même des vies très brèves, très dramatiques, très douloureuses. Et interrompues. Et interrompues. Bon. Tragique. Tragique. Quand elle le voit un beau matin de carnaval aller se jeter dans le Rhin en lui disant « Écoute, Clara, je fais ça pour te protéger et je demande à être internée pour te protéger, toi et les enfants, contre ce que je pourrais faire », parce qu'il sent bien qu'il a des pulsions aussi très probablement autodestructrices, mais destructrices. Mais là, elle a une réaction qui est quand même assez étonnante, puisque... elle n'ira pas le voir dans l'institution. Alors, c'est là où le rêve... Elle ne va pas le voir à l'hôpital, en fait. C'est quand même... Le rêve de l'amour fou et de l'amour toujours pendant 20 ans de mariage, là, il faut évidemment lui donner un éclairage un peu différent. en 29 mois d'hospitalisation volontaire, hein, c'est lui qui a demandé à être hospitalisé, où il était, comme vous le disiez, enfermé, dans un état assez délirant parfois, d'une stérilité totale sur le plan de la création. En 29 mois, elle n'est pas venue le voir une seule fois. Alors, on dira, les visites n'étaient pas autorisées souvent. Certes, elle faisait des tournées, elle avait à faire vivre la famille. Mais enfin, quand même, quand on a un mari hospitalisé en longue durée, on s'arrange pour venir. Elle est venue 3 jours avant la fin de Schumann, avec Brahms d'ailleurs, et Joachim, qui était le violoniste célèbre de l'époque. Vraiment in extremis, au sens propre. In extremis, pour recueillir son dernier souffle. Alors, est-ce qu'il y a là-dedans tout simplement l'usure d'un mariage, le poids de la vie, est-ce qu'il y a une haine? Est-ce que lui lui avait pas interdit de venir le voir? Ah non, non, non, non. Il lui a envoyé quelques lettres, très peu, mais toute la correspondance qu'on a entre eux, c'est vraiment les années qui séparent 1832 de 1840, c'est-à-dire pendant les 8 ans avant le mariage. Après, il y a plus de lettres. Évidemment, ils vivaient sous le même toit, on s'écrivait pas trop. Je me disais que la réponse à ma question tout à l'heure est somme toute assez évidente. Si nous parlons aujourd'hui encore beaucoup de Robert Schumann et quasiment plus de Clara, c'est parce que Clara a tout donné de son vivant. Elle était, elle, bien dans sûr, le domaine de la forme, de l'interprétation. C'était une pianiste virtuose. Lui est loin d'être un virtuose, nous l'aurons compris, mais en revanche, c'est un grand compositeur dont les œuvres sont encore audibles. Alors, aujourd'hui. C'est la différence. C'est ça le drame de l'interprète par rapport à l'auteur. C'est qu'il est éphémère. Aujourd'hui, il y a des traces des grands interprètes, Dieu merci, depuis le disque, il y a des traces et des vidéos. Mais à l'époque, un interprète, son interprétation mourait avec le concert qu'il donnait. Et il n'y en avait aucune trace. Donc, effectivement, ce côté, je ne laisse pas après moi de traces, sauf dans les mémoires de ceux qui m'ont entendu dans les salles de concert, ça devait susciter chez elle une certaine, peut-être envie ou jalousie vis-à-vis d'un compositeur qui, lui, peut espérer être joué dans 50 ans ou dans deux siècles. Merci beaucoup. Il y aurait pas mal à dire encore sur Clara et Robert Schumann. Je renvoie nos auditeurs à La tombée du jour, Schumann, publié chez Seuil, dans la collection de la librairie du XXe siècle, en 1989. Les voies intérieures, c'est le sous-titre de votre ouvrage sur Schumann dans la collection Découverte Gallimard. Et puis, ce recueil de la correspondance entre Robert et Clara chez Buchet-Chastel, ce sont des lettres d'amour. À propos d'amour, nous sommes quand même le 14 février, que je sache. Lorena Martin va venir nous dire qu'on s'occupe beaucoup d'amour à Marseille. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Pour notre balade de fin d'émission, Lorena Martin a réuni ses deux passions, l'amour et Marseille aujourd'hui. Bonjour Lorena. Bonjour Franck. Vous allez à Marseille là, dans les jours qui viennent, j'imagine. Oui, mais vous y êtes toujours en fait, d'une façon générale. Toujours. Alors, au moins par l'esprit. J'allais dire, on célèbre l'amour à Marseille. Oui, 5 ans après le succès de Marseille Métropole 2013, capitale européenne de la culture, Marseille est redevenue, on va dire, une destination touristique en France et à l'international. Il faut dire qu'elle avait même été élue 2e destination favorite par le New York Times. Et cette année, ils ont décidé de créer un nouvel événement artistique, un peu comme ils l'avaient fait pour MP 2013. Ça s'appelle MP 2018, Quel amour ? Et la thématique, c'est l'amour, le sentiment amoureux comme principale muse de l'histoire de l'art et des artistes de l'Antiquité à nos jours. Et l'idée est de parler d'amour à travers tous les arts. Il va y avoir près de 450 événements avec des fêtes populaires, des grandes expositions, des parcours originaux en centre-ville ou en pleine nature, des opéras, des concerts, pendant près de 7 mois, à compter d'aujourd'hui, donc 14 février et jusqu'à la fin de l'année, dans tout le département des Bouches-du-Rhône, Marseille, Arles, Aubagne, Aix-en-Provence, jusqu'à Cassis, etc. D'expérience, Lorena Martin, on est particulièrement sentimental en Provence. On est romantique en Provence. On est romantique à Marseille, finalement. Alors tout ça commence aujourd'hui, donc, jour de la Saint-Valentin, bien entendu, avec des fêtes sur le Vieux-Port dès 19h. Voilà, c'est ça, tous les Marseillais sont invités à se réunir sur le Vieux-Port. On va faire une sorte de grand baiser inspiré du baiser de l'hôtel de ville de Doineau. Et le public, vous dites donc, un grand baiser, c'est-à-dire que les gens vont s'embrasser sur la bouche. S'embrasser. Ah, et le groupe F, reconnu mondialement pour ses spectacles pyrotechniques, va orchestrer ce grand baiser. Et l'idée est de faire la photo la plus romantique du monde. Génial. Et ce spectacle sera suivi d'un spectacle pyrotechnique. Ensuite, le MUCEM va... Je ne suis pas persuadée que plusieurs milliers de personnes qui s'embrassent en même temps, ce soit très romantique. Mais enfin, on verra. Vous savez... J'ai hâte de la voir, la photo, en tout cas. Moi aussi. J'ai hâte de voir ça. Le MUCEM va ensuite ouvrir ses portes toute la nuit pour une programmation autour du coup de foudre. Il y aura une exposition, notamment l'amour de A à Z, qui va raconter l'amour sous toutes ses formes et beaucoup de performances. Et pour ceux qui auraient manqué le grand baiser le 14 février, donc ce soir, il y aura aussi un grand baiser dans d'autres villes de la région ce samedi. Et à partir de vendredi jusqu'à dimanche aussi, vous avez plus de 250 événements sur Marseille et sa région, notamment des saunas yamam dans la ville. Oh là la criée ouvrira son théâtre pour des séances séances de psychanalyse amoureuse, des contes des mille et une nuits qui seront racontés sur le toit terrasse de la Friche Belle de Mille. Restons-en là, le standard est en train de s'affoler, comme on disait. Enfin là, c'est pas le standard, maintenant c'est les réseaux sociaux. Merci beaucoup Lorena Martin, vous aurez compris que c'était la chronique rose de Lorena Martin. Il y a une adresse internet quand même. mp2018.com. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et notre retour aux origines aujourd'hui concerne une phrase, Franck Ferrand. Écoutez bien cette phrase parce que j'ai très envie de savoir qui, quand et où elle a été prononcée. La marquise aura mauvais temps pour son dernier voyage. Ah oui, pour son voyage, avait même dit le roi. C'est une phrase célèbre prononcée par Louis XV au moment des obsèques de la marquise de Pompadour. C'est que Madame de Pompadour avait obtenu l'autorisation tout à fait exceptionnelle de mourir sous le toit du roi au château de Versailles même, ce qui normalement n'était pas possible. Mmh. On vous éclipsait quelque temps avant votre agonie. Eh bien, en l'occurrence, Madame de Pompadour va être transportée de Versailles à Paris et c'était dans des conditions terribles. Malgré la pluie qui giflait les joues et le vent glacial qui soufflait en tourbillon, nous raconte Jean-Christian Petit-Fils, le roi est sorti sur le balcon qui donnait sur son cabinet d'angle à Versailles et, je cite toujours, regarda de loin le lugubre cortège funéraire qui se formait pour s'en aller par l'avenue de Paris, pour s'en aller jusqu'à Paris puisque Madame de Pompadour devait être inhumée au Capucin, c'est-à-dire sur ce qui est aujourd'hui devenu la place Vendôme, enfin entre la place Vendôme et la rue de la Paix. Alors, vous avez bien compris que ce n'est pas une simple favorite qui quitte Versailles ce 15 avril 1764. Elle a été la conseillère, l'amie de Louis XV pendant plus de 20 ans. Une liaison qui d'abord a été une liaison torride et qui ensuite est devenue une liaison quasiment politique. Et Madame de Pompadour a joué un rôle très important dans l'histoire du règne et d'une certaine manière dans l'histoire de la France et de l'Europe. Le roi en avait fait sa compagne, en avait fait son principal conseiller d'une certaine manière, aux grandes dames de sa famille, puisque les filles, le fils, même la reine, tout le monde était outré de cette histoire. Il n'empêche que Madame de Pompadour occupait à la cour une place tellement importante qu'on avait fini par l'appeler la marquise sans préciser. Et Louis XV, lorsqu'il la voit s'en aller, ne peut pas s'empêcher d'avoir ce mot. La marquise aura mauvais temps pour son voyage. On a voulu interpréter cela, ce n'était peut-être qu'une remarque anodine. Au fond, il y avait peut-être aussi une forme de dépit qui perçait, car vous savez que Louis XV dira à la comtesse de Sarran plus tard, il lui dira qu'il n'a jamais aimé Madame de Pompadour. La plus grande liaison de l'histoire de France qui n'aurait pas été une histoire d'amour, vous avouez que pour un jour de Saint-Valentin, c'est un peu particulier. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.